À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le président du Parti démocrate libéral de Russie, Jirinovski, a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocrate de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Le destinataire a noté que l'armée de la République populaire démocrate de Corée, fierté du peuple coréen, assure parfaitement l'intégrité et la solidité du territoire, des eaux territoriales et de l'espace aérien de son pays, et que l'armée populaire de Corée, fidèle à la direction de la République populaire démocratique de Corée et dotée des armements modernes, est fin prête à faire face à toutes les provocations des bellicistes et de leurs suivistes. Il a souhaité succès au camarade Kim Jong-un dans son travail pour maintenir la haute combativité des forces armées de la République populaire démocratique de Corée qui sauvegarde les acquis de travail de tout le peuple coréen. Il a souhaité également le ciel calme sur le sol de la Corée.